Est-ce que tu as accepté? Seid ruhig, bitte. Répondez à la question. D'où souffle le vent? Antwortet auf meine Frage. Où va souffler le vent? Tu n'y arriveras jamais. Arrête tes conneries, tu vas faire punir tout le monde. Trop d'espoir d'une vie nouvelle? Je n'y serais jamais arrivé tout seul.